بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 63، 63 حديث dans ce باب de الأذان، كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Bilal fait l'azan alors qu'il fait encore nuit. Alors mangez juste à ce que Ibn Maktoum fasse l'azan. طيب. يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: أراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 13. Le rapporteur c'est عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، et sa ترجمة، sa biographie résumée a été citée déjà dans le 13e hadith. يقول موضوع الحديث، sujet du hadith، بيان حكم الأذان قبل الفجر، le jugement de l'أذان avant le fajr. يقول في الشرح الإجمالي، explication globale du hadith، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ للمسجد في المدينة مؤذنين، بلال وابن أم مكتوم. وكان يؤذنان للفجر. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait à l'époque pour le Masjid al-Nabawi qui est le Medina avait pris deux hommes qui faisaient l'adhan. Un muazzin, muazzin c'est celui qui fait l'adhan. Alors le muazzin c'est celui qui fait l'adhan, qui fait l'appel à la salat. L'un d'entre eux était Bilal, ce qui est connu, et le deuxième c'est Ibn Maktoum. Ibn Maktoum qui était un aveugle. Et tous les deux faisaient l'adhan pour le fajr. أحدهما قبل طلوعه ليرجع القائم من السحور أو يوقظ النائم له. Le premier c'est pour celui il faisait l'azan avant que le fajr ne se lève, avant que l'aube ne se lève, afin que les gens puissent prendre le sahur et que celui qui dort puisse se réveiller. والثاني بعد طلوعه في الحديث بعد طلوعه. Le deuxième faisait l'azan après le lever de l'aube, du fajr, c'est-à-dire l'azan qui est authentique, le vrai, celui qui indique vraiment l'entrée du temps. Wa fil hadith yukhbiru Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayyana lin-nas hukm kulli wahidin min al-adhanayn. Dans ce hadith, Abdullah ibn Umar nous démontre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a clarifié le jugement de chacun des deux adhan. Bayyana bilal an yu'adhdhin bil-layl qabla tulu' al-fajr. فلا تمتنعوا أيها الصائمون بأذانه عن الأكل والشرب بل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Donc dans la première lieu, c'est que Bilal faisait l'adhan de nuit, c'est-à-dire quand Bilal fait l'adhan, le temps de la salat n'est pas rentré. On appelle cet adhan-là l'adhan al-kazib, le adhan kazib, celui qui est mensonger, dans le sens où qui n'est pas là pour indiquer l'entrée du temps de la salat, mais que celle-ci est proche en fait. Donc, lorsque ce premier azan est accompli, les gens peuvent continuer à manger. Celui qui veut jeûner peut continuer à manger et à boire. D'accord? Car l'aube n'est pas encore levée. Par contre, lorsque c'est Ibn Maktoum qui fait l'azan, ça veut dire que là, c'est l'azan qui est sadiq, le véridique, celui qui indique vraiment l'entrée de l'heure de la salat. À ce moment-là, les gens qui, par exemple, veulent jeûner, arrêtent de manger et de boire à ce moment-là. Toutes les règles qui sont liées par rapport au siyam ou à kaza commencent à ce moment-là. Et c'est là que le temps de la salat y rentre pour faire la rakatayn du fajr, par exemple. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut les faire. Quant au witr ou autre, c'est avant ce deuxième azan qu'il faut les faire. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. Car Ibn Maktoum ne fait pas l'azan avant que le fajr ne se lève. C'est-à-dire, il ne le fait qu'au moment où le temps authentique est rentré. وقال ابن عمر كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. Et ibn عمر رضي الله عنه, il dit que ibn أم مكتوم رضي الله عنه était un homme aveugle qui ne faisait pas l'azan jusqu'à ce que les gens lui disent que l'heure est rentrée. C'est les gens qui l'informaient que l'heure était rentrée. طيب يقول في فوائد الحديث, dans les enseignements utiles du hadith, جواز الأذان قبل الفجر إذا كان ثم أذان بعده. Qu'il est permis de faire l'أذان avant le fajr s'il y a un autre azan qui vient par la suite. Donc cela est permis. Cela fait partie de la sunna, d'avoir deux azan au fajr. Thaniyan, ikhbar al-nas bidhalika idha khifa an yahtarru bil azan al-awwal, et qu'il faut informer les gens de cela par crainte qu'ils ne soient justement trompés par le premier azan, qui pense que c'est l'heure de la salat. Thalithan, wujub al-amal bil azan idha kana al-muazzin thiqatan, qu'il est obligatoire d'agir en conséquence lorsqu'on entend l'azan, lorsque le muazzin est une personne de confiance. Parce que des fois, tu as des muazzinoun, ils font l'azan avant l'heure. Par exemple, des gens, ils veulent manger, ils veulent faire le siyam, ils entendent un azan et ils arrêtent de manger. Ou ils disent, je me suis levé trop tard, je ne pourrais pas manger parce que le muazzin a fait l'azan. Alors que le muazzin s'est trompé, il a fait l'azan trop tôt, alors qu'il restait du temps. Donc lorsqu'on a un muazzin, on sait qu'il est fiable, alors on agit en conséquence. Quand tu fais l'azan, on arrête. On considère cela comme étant le signe que l'heure est rentrée. Et quand on sait que certains messages, le muazzin n'est pas fiable, on ne prend pas en compte. Rabi'an, jawaz al-akl wa shurb li sa'im hatta yatlu' al-fajr, qui est permis justement pour celui qui veut jeûner de pouvoir manger et de boire jusqu'à l'aube se lève. Et d'ailleurs, la sunna dans le sahur, le repas de l'aube avant de pouvoir jeûner, c'est de le retarder, de le faire le plus tard possible. C'est-à-dire vraiment peu de temps avant que le muazzin ne fasse l'azan de la vraie entrée de l'heure. Khamisan, jawaz نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يحصل به أذية عليه أو على أمه أو على أبيه qu'il est permis à l'homme de s'affilier à sa mère si jamais cela est connu tant que cela ne lui cause aucun préjudice ni à lui ni à sa mère ni à son père car à la base souvent les gens attribuaient à la base c'est qu'on attribue l'enfant à son père officiellement maintenant en tant que au milieu des gens il est possible de dire Ibn Fulen ou l'attribuant à sa mère. Tant que cela n'apporte pas ce que les gens pensent que c'est un enfant de fornication. Car c'était cela qui était connu. Lorsqu'un enfant est attribué à sa mère, c'est du fait qu'on ne connaissait pas son père. Probablement qu'il était un enfant de zina, comme on dirait. Donc c'est pour ça que les gens s'affilient à leur père. Et si demain quelqu'un s'affilie à sa mère, les gens pourraient se poser des questions et dire pourquoi il s'affilie à sa mère. Sans quoi, le fond comme Charlie, à la base, c'est que cela revient au père. L'enfant porte le nom de son père. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous avons aujourd'hui. On a fait bien d'accord. Et alhamdoulilah.